Bonjour. Bon, là, va falloir à un moment donné, va falloir se parler sérieusement. C'est tout le temps pas mal sérieux, mais il y a des affaires, on dirait, c'est pas vu. C'est pas vu. Depuis 2022 au Colorado, bon, ils ont commencé à vouloir légaliser certains psychédéliques, comme ce qu'on appelle les champignons magiques. Puis avant ça, il y a eu une campagne. Pendant des années, là, ça fait un bout de temps, pour justement commencer à essayer d'introduire l'idée dans le public, de vouloir traiter certaines choses avec ça. De la même façon que dans des années avant, certaines molécules qui étaient inspirées de la cocaïne puis du sucre, il y a eu des campagnes pour introduire ça dans le public, puis comment est-ce que je pourrais dire ça? Banaliser certaines choses. Puis finalement, bon, même aujourd'hui, même si on sait par des études que les enfants, par exemple, qui vont prendre de certaines molécules, hein, souvent c'est le professeur qui va exiger du lui, là, je veux qu'il prenne telle molécule, même si on sait statistiquement que plus tard, bon, ben, ces jeunes-là vont possiblement être des consommateurs de drogue, souvent durs, parce que là, pour cet exemple-là, je parle de molécules qui ressemblent un peu à la cocaïne. Vont être des consommateurs de cocaïne, ben non, on continue pareil à donner ça à des enfants. Dans le fond, on soigne des symptômes au lieu de se questionner ou de regarder en profondeur un système qui engendre des symptômes. Donc, c'est une fuite vers l'avant. C'est une fuite vers l'avant. Depuis 2023, il y a certains psychédéliques qui ont été légalisés. Non, c'est 2022 au Colorado, comme les champignons magiques. Puis moi, je vous fais une prédiction. Puis c'est une prédiction faite par déduction. Par déduction. C'est qu'ils vont finir par légaliser ça au Canada aussi. Puis pourquoi je le sais? Parce qu'il y a des gens derrière des rideaux qui ont décidé que ça serait le cas. Puis il y a une propagande dans le public. On la voit, la campagne. C'est comme je vous avais parlé, l'émission Stat, que là, on voyait des médecins qui étaient sur un partout de champignons magiques. Puis là, quelques jours plus tard, il apparaît dans Hochelaga Maisonneuve. Vous voyez, on choisit un quartier. C'est comme les machines à sous, on ne met pas ça à Westmount, hein? Donc, ils ont choisi Hochelaga Maisonneuve, puis là, ça donnait accès à un site qui en distribue, qui vend des champignons magiques. C'est encore illicite, là. C'est encore illégal. Donc, moi, ce que je vous dis, puis là, pas longtemps après, oups, il y a un bonhomme, là, il commence à en parler. Puis même en mentant, parce que l'affaire d'aller dire que dans les églises, là, il a fait des substances hallucinogènes. Il a carrément dit hallucinogènes qui étaient mis dans les encensoirs, là, puis qu'après, c'est pour ça que le monde voyait des anges dans le ciel, là, faire cette espèce de maudit lien entre des substances illicites puis le mysticisme. Ça, c'est pas du mysticisme authentique. On est plus dans le domaine de ce qu'il y a eu avant dans l'Antiquité, dans le fond. Donc, par exemple, comme ce qu'il y a eu en Europe, puis que dans le fond, c'était quoi, chevaucher le balai? Ben, c'était certaines substances qui étaient enduites sur des manches de fourche ou de balai. Puis il y a du monde qui se mettait ça dans le rectum. Puis là, ça passait par les muqueuses, puis ça disloquait les corps, puis c'est toujours lié à l'astral. Puis là, on n'est plus en 1980. On n'est plus en 1980. Je veux dire, l'agenda est plus loin un petit peu, puis ces forces-là qui ont intérêt à ce que l'individu soit altéré au niveau de son système nerveux, puis de certaines choses. En tout cas, ce que moi je vois, je veux dire, c'est pas nécessairement vu automatiquement par tout le monde. Mais c'est pas mal plus avancé que c'était, c'est pas mal plus agressif que c'est, puis c'est pas mal de plus en plus encore plus banal que c'est, puis on retombe dans une période sombre un petit peu, où ces choses-là, certaines pratiques qui sont, que moi je considère comme malsaines, sont redevenues banales. Puis en plus, au niveau d'une technologie, c'est-à-dire les supports ou bien de la pharmacochimie, puis les outils sont beaucoup plus vastes, les supports sont beaucoup plus. Puis là, comme je vous dis, bon, ça commence. Il y a une légalisation des champignons magiques dans le Colorado en 2022. Après, je vois qu'il y a des jeunes gens, ben des jeunes gens, des fois c'est du monde de mon âge, mais bon, Tant qu'à moi, en bas de 90 hectares, vous pouvez être jeune. Hein? Dépendant de. Bon. Là, je vois ça, qu'ils viennent parler de leur expérience psychédélique. Après, comme je vous dis, il apparaît des affiches d'Hochelaga Maisonneuve. Puis après, bon, dans certains milieux, on nous tient un propos par rapport à ces affaires-là, que moi, à mes yeux, ça vient banaliser. Ça vient banaliser. Je regarde ça, il n'y a pas de hasard, là. Soit qu'il y a du monde en chair et en os, puis que c'est lié à des programmes possiblement, ce qu'on pourrait appeler de la politique, mais c'est pas de la politique comme on parle habituellement, là. C'est le monde des services, de certains services et des choses sous la surface, on peut dire, qui ont intérêt à se faire la promotion de ça. Dans des pays qu'ils considèrent comme leurs colonies, des colonies dans le fond, de toute façon, bon. Prenez par exemple la CIA, le but premier de la CIA, c'est pas d'opérer sur le territoire américain, c'est tout le temps à l'extérieur. OK? Donc, bon, soit c'est des programmes comme ça, du monde en jeu, ou, comme il n'y a pas de hasard, ou ça veut dire que, bon, c'est plus encore plus occulte. Dans le sens que ça voudrait dire qu'il y a certaines forces dans l'invisible qui ont l'agenda que ce soit propagé dans le public. Puis c'est là où, après ça, le monde lui se demande pourquoi je suis en colère. Pourquoi je suis en colère, pourquoi des fois je réponds quand même agressivement. Mais comme je vous dis, on n'est pas en 1980, là. C'est quoi qui est ajusté au fond? Qui serait ajusté? C'est sûr que ça me met en colère. C'est sûr que ça me met en colère. Prenez les études qui ont été faites par des neurologues, qui ont été faites par des neurologues sur les effets des écrans sur le branchement synaptique dans le cerveau. Notamment, si on regarde, par exemple, bon, à partir des années 50, la télévision apparaît, puis bon, qu'est-ce que ça a donné? Si on regarde là, avec le recul. Puis qu'on observe ce que ça donne. Même si des études qui ont été faites en Belgique, en Allemagne, viennent démontrer que toutes ces choses-là nuisent au branchement synaptique, au niveau du développement des enfants, puis bon. Non, il y a de plus en plus d'écrans. Il y en a de plus en plus, je veux dire, c'est de plus en plus banal. Au fond, il y a encore une fuite vers l'avant. Puis on ne tient jamais compte de ce qu'on sait. Puis on se prétend une société en accord avec la science. Puis la science, au fond, est devenue une doxa, mais c'est tout le temps une science idéologisée, politisée, militarisée, industrialisée, instrumentalisée, selon des intérêts. Donc, c'est pas une science objective. C'est pas une science objective. Donc, je regarde ça, je vois des choses comme ça. C'est sûr qu'à un moment donné, je considère que qui n'a dit mot conscient, donc je finis par dire quelque chose. C'est sûr, je vais finir par dire quelque chose. Mais comme on n'est pas en 1980, c'est pas mal plus avancé que c'était, ces agendas-là, ces forces-là. Je regarde ça, puis oui, je suis en colère. Puis oui, ça se peut que je sois déplacé un peu en apparence. En apparence, j'accepte. Ça. Je peux pas commencer à approuver ça puis à trouver que ça a du bon sens. Pourtant, je fais attention. Je fais quand même attention. Il y en a un qu'on m'avait souvent parlé depuis longtemps, puis j'étais allé écouter ça, puis finalement, je trouvais que ça avait pas de bon sens, que ça avait pas d'allure. Je me disais, bon, je m'occupe pas de ça. Quelqu'un que je considère comme un escroc, là. C'est vraiment un escroc. Puis là, non, je parle pas de quelqu'un au Québec, je parle d'un autre. Que je considère comme un escroc qui vend un objet là, en lien avec la santé. Hein, parce que tout le temps lié justement aux angoisses, aux anxiétés ou au malheur des gens. C'est la logique offre-demande. Il revend, lui, des affaires, un objet là, fait en Chine, là, 4 fois le prix. J'étais allé voir le prix que lui vend ça, puis après j'étais allé voir. À la source, là, combien que probablement il les payait là, au gros, puis c'est de l'escroquerie. C'est de l'escroquerie. Un gars qui dit qu'il est possible d'avoir une troisième poussée dedans, puis qui porte des dentiers, puis qui avoue qu'il avait trafiqué les freins de la voiture de ses parents, qu'il voulait tuer ses parents, quelqu'un qui n'a pas l'air en santé. Puis carrément, qui donne des conseils de santé, mais genre, de la façon qu'il fait, c'est une pratique illégale de la médecine, tant qu'à moi. Puis il y a des années de ça, j'avais regardé ça, puis je l'avais considéré, c'est de l'escroquerie, c'était un mangeur de marde, puis je m'en occupais pas. Puis là, dernièrement, bon, il y a eu des problèmes. Puis là, en parlant avec ma conjointe, puis tout, je dis, bon, ils ont fini par faire quelque chose, puis moi, je trouvais que c'était pas de mauvaise chose jusqu'à un certain point que les autorités, fasse quelque chose, parce que je le considérais depuis des années comme dangereux, même si je m'en occupais pas. Puis là, j'ai vu, elle, émotivement, elle me le défendait, puis tout. Puis après ça, je vois d'autres mondes qui sortent, puis qui disent, c'est un complot satanique. Ah ouais. C'est là que moi, je vous dis, il n'y a pas de mots pour dire à quel point les gens sont naïfs. Il n'y a pas de mots pour dire à quel point les gens sont naïfs. C'est incroyable. Puis à quel point tout est inversé. Tout est inversé. C'est comme quand il a sorti les courriels en Angleterre par rapport bon, à la gestion pendant la pandémie. Là, il ressort des courriels par rapport au ministère de la Santé puis, qui viennent démontrer, dans le fond, ce qu'on savait déjà. Je parle du monde un petit peu lucide, là. Puis là, qu'après, je vous dis, qu'ils sont là. Enfin, ça sort, ça va tout changer. Je dis, voyons, ils sont donc ben naïfs. Ils sont donc ben naïfs. Puis il y en a des, entre guillemets, des influenceurs. Puis là, je te parle au sens que c'est leur métier, puis c'est ceux qui les font vivre, qui étaient là à nous faire un show, là, à jouer là, tout ému, là. Enfin, après avoir été diffamé, puis enfin, la vérité sort, puis blablabla. Mais oui, mais c'est une question de timing, c'est pas le petit bulletin, là. C'est pour ça que ça sort là. Puis il va s'en venir d'autres choses, là. Puis encore une fois, le timing va être du bord de ceux qui mènent les agendas, pas du bord du public. Puis l'affaire d'être ému, puis de jouer tout le temps passé de sauveur à victime, puis là, de jouer les émus, puis là, il est même pas humecté, il n'y a rien, là. Parce qu'il y en a que c'est des. Ils pensent qu'ils ont un talent d'acteur. Quand je suis en crise ou je suis pas de bonne humeur ou que, tu sais, je veux dire, c'est vrai que j'ai mauvais caractère. C'est vrai que j'ai mauvais caractère, mais quand on regarde de quoi il est question, quand on regarde ces forces-là, comment ça agit, ce que c'est, ben c'est difficile de pas être en colère. Ma colère, là, puis mon air bête, puis mes petits excès, là, mes petits débordements, je fais même mon possible pour essayer de les retenir puis de les réprimer. Comme je vous dis, l'autre qui vient d'être arrêté pour pratique illégale de médecine, je fais mon possible pour fermer ma gueule puis pas en parler. Ben, je sais que je vais me faire lancer des tomates si j'ose dire quelque chose, mais j'en avais pas parlé avant. Puis j'avais pas dit ce que j'en pensais. Le gars va même jusqu'à affirmer qu'un par des cercles de prière, on peut faire repousser un membre amputé, là. Des affaires de cet ordre-là. Je ne vais pas regarder en détail tout le dossier, mais bon, hein, pas besoin d'être un génie pour voir que ça n'a pas d'allure pourtant. En tout cas, puis même il y en a des bombes, des brillants qui se font avoir pareil. Moi, je trouve ça malhonnête. Puis c'est comme l'autre là, qui actait là, enfin, après avoir été diffamé, là, la vérité sort, puis blablabla. C'était mal fait, ça paraît, là. Ça m'émeut pas. Ça m'émeut pas. Puis comme l'autre, là, dernièrement, là, qui était là, puis qui recevait un invité, puis là, tout d'un coup, maintenant, là, je suis ému. Il est meilleur acteur que la fille que je passe, c'est lui. Je regarde ça, je suis désolé, mais ça m'émeut pas. Ça m'émeut pas. Je regarde ça, puis je suis pas capable de ressentir de sympathie ou d'empathie, j'en ai pas. Parce que juste l'affaire avant de commencer à prétendre encore le stigmite de. Parce que oui, il y a des substances où vous pouvez ouvrir les centres, puis ça va changer votre perception, puis oui. mais c'est pas par rapport à la conscience. Phénomène intégral, puis d'intégration, puis de lucidité, puis de conscience, là, c'est autre chose, là. Il y a une différence entre la sensibilité du système nerveux, puis la perception extrasensorielle, puis la conscience. C'est complètement autre chose. Parce que ça, on voit ça partout dans le monde. Prenez juste dans certaines doctrines, comme par exemple, il y a ça dans toutes, là. Il y a du monde qui pense que si, comme par exemple, il y a certaines personnes qui sont de culture chinoise, ils pensent que s'ils reproduisent certains exercices 10 000 fois, ils vont atteindre l'illumination. Puis ils pensent que s'ils le font 100 000 fois, après ils vont être immortels. C'est des mythes. C'est là qui est l'astral au niveau d'une mythologie populaire. Puis ça va tout à jouer avec les pulsions de vie, les pulsions de mort. Ça va tout à jouer avec vos angoisses. Comme il y en a des fois que je connais, puis j'observe, puis je le sais que dès qu'il y a un petit choc, comme par exemple un décès de quelqu'un ou des choses comme ça, je sais, ils vont retomber vers certains comportements, puis là, ça dure un bout de temps. Puis bon, je regarde ça, puis je peux pas rien dire. Je peux pas rien dire, je peux pas rien faire, mais je le sais d'avance. Je le sais d'avance, puis... Bon, je les laisse faire, qu'est-ce que vous voulez? On les laisse faire, on finit qu'on les laisse faire. Mais par exemple, venez pas me défendre. Quand vous voyez que je suis vraiment en crise contre quelque chose, là, ben, vous pouvez le défendre puis tout. Mais faites ça de votre bord. Faites ça de votre bord. Ne pas m'achaler. En plus que c'est pas bien fait, là. C'est pas bien fait. Dans le sens que, bon. Faut être incarné, dans le sens que faut que vous soyez dans ce que vous faites. Faut que vous soyez concentré dans ce que vous faites. Faut que vous soyez capable de faire ce que vous faites. Hein? C'est comme quelqu'un qui est trop intellectuel, souvent il va avoir les mains pleines de pouces. Quelqu'un qui est trop manuel, qui est beaucoup dans son corps, souvent il ne sera pas capable d'accomplir un travail d'analyse ou ça prend. Faut être multidimensionnel. Faut être centré dans tous les plans. Ben, avoir un centre carrément, puis rayonner dans le reste. Ça veut dire que, bon, désolé, là, mais... Ouais, ça se peut que, moi, vous le savez, je suis pas patient. Fait qu'à un moment donné, je viens tanner. Tu sais, je veux dire, si vous vous rendez compte que vous venez perdre votre temps, moi, je m'en suis rendu compte tout de suite que je perdais le mien, pareil. À un moment donné, je m'attends, puis je vais vous flusher. Parce qu'il n'y en aura pas d'hypocrisie. De vous laisser faire puis de ne pas vous répondre. Bien non, je regarde, puis à un moment donné, bon, si je vois que ça persiste, à un moment donné, je vais vous flusher. Je vais vous flusher, puis je suis pas là pour. Moi, j'ai rien à vendre. Hein. J'ai rien à vendre. J'ai pas de club auquel s'abonner. J'ai pas. Bon. Hein? Je suis pas là pour ça. Donc, par rapport. Oui, il y a des choses que j'apprends et j'intègre à mesure en parlant. Puis c'est sûr que, bon, ça va être un catalyseur qu'il y ait du monde. Pareil. Puis comme je peux pas faire ça dans ma vie de tous les jours parce que ça ne serait pas ajusté, ben c'est toutes des choses que j'ai déjà expliquées, ça. Que c'est déjà expliqué. Mais si vous avez la prétention de venir me recadrer, il faut que ça soit fait parfaitement. C'est mieux d'être bien fait. C'est mieux d'être bien fait. Parce que jamais je vais être horizontal avec du monde que je suis obligé pour les regarder aller, de me pencher puis de tendre l'oreille vers le plancher. Tellement ça vibre pas, puis que c'est bas, puis que c'est pas intéressant finalement, puis que ça apporte rien, puis que c'est pas constructif, c'est pas construit comme il faut. Il n'y a pas d'intelligence structurelle. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Parce que, ben franchement, oui, je veux dire, je vais toujours être rigide sur certaines choses, puis j'en reviens pas comment les gens sont naïfs. Comment les gens sont naïfs. Prenez l'intervention de Fauré, là, Gérard, Gérard Fauré, qui a eu à... Puis là, ça se promène sur Internet, puis ça en est ça jusqu'à un certain point du complotisme. Pourquoi? Parce que c'est naïf, puis c'est de la mythologie populaire. Parce que là, on nous ramène l'affaire, blablabla, puis l'adrénochrome. L'adrénochrome, C'est l'écrivain, là, celui qui a inventé le. Voyons, le concept de journalisme gonzo, là, ce qu'on appelle le journalisme gonzo. Il a parlé d'une molécule qui existe réellement. Mais cette molécule-là, elle se synthétise. Ça se synthétise en laboratoire. Pourquoi le monde, je veux dire, c'est pas si cher que ça, là. Puis, bon, regardez au niveau de la mythologie populaire, le monde va associer ça à la couleur rose. La molécule, au niveau de ce qui est synthétisé en laboratoire, la couleur, c'est couleur violet qui tire sur le bleu, c'est lavande. C'est pas rose. Puis, même quelqu'un qui aurait un petit laboratoire assez, puis qui vient à bout de, je veux dire, c'est pas difficile à synthétiser, là. Il y a énormément de mythes qui sont entretenus, puis il y a énormément d'affaires que, dans le fond, c'est naïf, c'est naïf, c'est épouvantablement naïf. Comme l'affaire de penser qu'on peut atteindre une extra-lucidité ou la conscience réelle par des substances, ça c'est une naïveté, c'est un piège. Puis ce que je vois, moi, à chaque fois qu'il y a des pièges, qu'il y a des choses comme ça, ce que je vois, c'est tout le temps les mêmes choses derrière, les mêmes forces qui ont intérêt à ce que l'être humain s'altère, à ce que le système nerveux soit altéré. Pourquoi? Pour qu'il soit assujetti à ces forces-là. Donc là, à un moment donné, là, vous pouvez pas atteindre l'illumination par de la drogue. C'est faut être vraiment naïf. C'est un mythe, l'illumination. C'est quelque chose qui a été mis dans la subjectivité collective pour fasciner. Puis ce qu'il y a derrière, c'est des forces qui sont ce qu'on pourrait appeler des forces qui sortent de l'irrationalité pour assujettir l'être humain à de la croyance, à toutes sortes de croyances, puis ça sort de l'espoir, puis du désespoir, ça sort de la polarité, ça sort des pulsions, entre autres animales, l'instinct de préservation, des choses comme ça, pour manipuler l'être humain. Moi, je le vois comme ça. De toute façon, peu importe que ce soit pas une volonté qui vous manipule, que c'est juste que vous êtes juste en train de faire quelque chose ou sur une ligne, que finalement, c'est pas votre volonté réelle à vous qui vous guide. Bien, vous êtes manipulé pareil, même si c'est pas par une volonté spécifique à l'extérieur de vous. Il reste que c'est des forces à l'extérieur de vous qui vous téléguident puis qui vous manipulent. Vous êtes manipulé pareil. Donc, c'est pour ça, j'ai tout le temps fait tout ce que je pouvais pour ramener le monde au concret, à du concret qui soit le plus possible dans la matière. Ce que pourtant du monde vont dire, oh, c'est la matrice, le plan matériel est une matrice, puis. À un moment donné, on perd patience. On perd patience, puis surtout d'entendre des hosties de conneries. Des hosties de conneries, là, comme les affaires d'intraterrestres, puis tabarnak. Ça fait depuis le début des années 90, encore une fois, où on peut soupçonner certaines structures qui ont intérêt à faire circuler des choses dans le public. Puis, prenez par rapport à tout ce qui est arrivé dans les années 90 autour de ça. Puis bon, moi, je considère que on sert d'une mythologie populaire sur les extraterrestres pour que les gens s'intéressent à ça. Plutôt que, est-ce que ce serait pas lié à du militaire et à des humains? Ce qu'il y a en arrière de ça, puis c'est tout le temps ça un petit peu le truc, là. Tout le temps ça un petit peu le truc. Regardez le cas de Phil Schneider. OK, comme il y a eu dans le temps, là, Phil Schneider, ça a fait pas mal de bruit, puis finalement, il aurait été assassiné dans son hôtel, mais c'est louche parce que sa femme, qui d'ailleurs croyait pas, même pas elle-même, elle croyait pas à ce qu'il racontait. Par contre, elle y a eu un problème, c'est qu'elle, par après, elle a dit quelque chose parce qu'elle soupçonne que son mari est pas vraiment mort, puis que le corps qui avait, qui c'était pas lui. Donc, possiblement que oui, c'est de la foutaise, Phil Schneider, mais c'est un agent de. Bon, ben, c'est ça, là. C'est ça, c'est pour ça que je vous dis, on est naïf. On est naïf, ces affaires-là. Je vois pas l'intérêt de s'intéresser à ça. Par contre, par exemple, considérez que possiblement que c'est des humains qui manipulent de l'information, parce qu'il y a ce qu'on pourrait appeler des consortiums derrière qui ont intérêt à ce que ce soit des choses comme ça dans le public qui circulent, que ce soit ça l'intérêt. Ça, c'est autre chose. C'est complètement autre chose. C'est déjà un petit peu moins naïf. De toute façon, ces choses-là, avec les années, c'est plus intéressant. Moi, je parle personnellement, je trouve plus ça intéressant. Ça m'intéresse plus. Je suis plus capable de m'intéresser à ces choses-là. Dès que je sens que ça voudrait que je m'intéresse, je deviens en colère. Je deviens en colère, j'ai l'impression d'être manipulé, puis de perdre mon temps. Fait que là, toute la promotion qui a été faite dans les dernières années, puis là, il y en a même, ils veulent que leurs enfants soient élevés végans, là, puis au niveau du développement des... Non, non, non, j'ai bien de la misère avec ça, je regarde ça, puis il me semble que ça n'a pas de bon sens. En plus de ça, après, mais qui arrive à l'école, le personnel scolaire, puis tout, vont s'arranger avec des médecins, puis vont vouloir que les enfants, en plus, soient sur de la médication, des molécules synthétiques. Puis après, si ces gens-là, parce qu'au fond, comme on soigne la surface, qu'on soigne les symptômes qui sont des réactions normales à une société, à mes yeux, qui n'est pas logique, que le collectif, c'est de l'inconscience. Donc, c'est pas logique. Ça engendre des individus malheureux parce que jusqu'à un certain point, leur conscience lutte pour pointer à la surface de toute cette merde-là qui est de l'inconscience, dans le fond. Là, les gens, bon, ils vont être dépressifs, vont être malheureux. Puis là, on va... Ils risquent, pour se protéger de la réalité au niveau de toutes sortes de processus inconscients, de devenir entre autres psychotiques. Puis là, on va leur prescrire des hallucinogènes puis des psychédéliques. Alors, ça va être rendu légal. Puis il y a une fuite vers l'avant, puis ça s'en va directement dans le mur. Puis quand je regarde ça, oui, je deviens agressif, oui, je deviens en colère, oui, ça se peut que je sois plus ou moins impoli. Impoli. Mais là, comme je vous disais plus tôt, on n'est pas en 1980, là. C'est plus avancé que c'était. On n'a pas à l'être. Puis même, là, s'il y en a, là, oh, si vous saviez comme ça m'émeut, puis ça marche pas. J'y crois pas. Non. Non. Si vous vous montrez des agents, de certains agendas, que ce soit volontaire ou pas, que ce soit conscient ou pas, puis que ça s'adonne que j'ose me prononcer sur la question, moi, j'aurais aucune pitié. Aucune. Aucune pitié, parce que je peux pas avoir d'empathie pour du monde cave de même. C'est... Faut être gnochon, là. C'est pas avoir de sens critique, là. C'est pire que ça, là. C'est pas... C'est pire que de ne pas avoir de sens critique. Je retiens un petit peu ce que je dis. Je reste quand même gentil. Je fais mon possible pour rester quand même gentil, là. Mais il reste que je regarde ça aller, puis c'est difficile de... Il y a des raisons. Il y a des raisons de la colère. Il y a des raisons d'être en colère. Prenez, par exemple, justement, comme ça donne rien, ce qui sort là en Grande-Bretagne, parce que ça ne se rendra même pas ici. La folle, là, que le journaliste avait demandé pendant le confinement, comme quelqu'un qui voudrait sortir dehors sur le pas de sa porte pour fumer, là, est-ce qu'il va pouvoir? Puis elle avait dit non, non, ce sera pas permis. Ben, cette petite folle-là est ministre encore. Puis le cafouillage qu'il y a à la SAAQ, là, oh, c'est de la faute de la SAAQ, comme si c'était pas leur gouvernement, comme si c'était pas leur... Puis ça passe, puis c'est correct, puis le monde attend dans les... puis, oh, c'est normal. On le sait, dans le fond, que c'est lié, par exemple, pourquoi ils mettent M. Kerr là-dedans, puis on le sait, dans le fond, ce qui vient, puis il va y avoir une autre phase de ces agendas-là qui s'en viennent à un moment donné. Regardez, là, bon, il y en a qui regardent, il y a eu une faillite d'une banque aux États-Unis, puis là, Joe Bidon, là, qui vient se mettre les mains encore en homélie, blablabla, pour rassurer ici puis rassurer ça. Regardez ce qui se passe en Europe aussi. Des banques qui vont faire faillite, c'est pas juste aux États-Unis. Et en Europe, c'est sur le bord de la catastrophe. C'est sur le bord de la catastrophe. L'inflation, au niveau des choses de base, il y a des gens que, bon, vous n'aurez plus de dignité. Il y a des gens qui vont être en situation et ne pourront plus vivre dignement. Tout simplement parce que ce ne sera pas possible. Puis les gens responsables de ça vont se décharger sur des circonstances. Ils vont dire comme s'ils n'étaient pas responsables des circonstances, comme si ce n'était pas voulu. Puis ça ne changera rien. Il s'en vient le mur, puis ça va être là. Bienvenue dans la réalité. Je suis pas de bonne humeur parce qu'il y en a une, elle me sort ça en anglais. Hey! Wow, là. C'est juste faire montre de ce que je dis, ça. De ce que je dis. À savoir, vous êtes complètement dénaturé. Complètement. T'sais, vous avez le droit d'écouter des romans savants stupides tournant en Californie. Par contre, venez pas chez nous essayer de m'expliquer que c'est bon puis que c'est intelligent. Il n'y en a pas question, là. Ça marchera pas. Regardez, là, il y a quelques années, on nous disait dans les médias que Madonna, elle a au-dessus de 140 de QI, puis c'est une femme très intelligente, puis voyons, là. Voyons. Même quand j'étais enfant, puis que j'avais vu un film qui avait été tourné sur elle, là, qu'on la voyait se faire arrêter à Toronto, là, comment ça s'appelait donc? En tout cas, un documentaire sur elle, puis je savais déjà, étant enfant, que c'est une niaiseuse. C'est une crise de folle. T'sais, pas besoin d'être pas niaiseuse dans le sens d'un. Ça part à l'intelligence, la conscience, c'est pas pareil. Elle aurait beau avoir proche 200 de QI, ça change rien. Ça n'a pas rapport. C'est pas ça de l'intelligence réelle. C'est pas ça. Il y en a un à Londres, là, il travaillait pour le MI6, puis il disait c'est un des plus grands cerveaux de l'histoire. C'est un homme d'une intelligence extraordinaire, puis blablabla. C'est un Christ de cabochon. C'est un Christ de cabochon qui n'avait pas d'identité, qui avait des troubles de la personnalité. Puis c'est l'intelligence puis la conscience, pas pareil. C'est pas pareil. Ça n'a rien à voir. Donc, à un moment donné, quand je dis c'est pas intelligent, ça n'a pas rapport avec l'intellect. C'est-à-dire qu'il y a des choses, ça s'en va vers le gouffre, ça s'en va vers le trou, puis le monde ne le voit pas. Vous aurez beau avoir l'intelligence que vous voulez, ou il y a du monde, ouais, ils ont de la conscience, mais ils ne sont pas tous là. Ils ne sont pas incarnés dans leur corps. Ils ne seront même pas capables de tourner un œuf sans le crever. Et là, la base, à un moment donné, ben, ça se peut que les circonstances nous ramènent que le tri va être violent. Puis c'est par rapport au va falloir être incarné pour vrai. Va falloir être incarné pour vrai. Va falloir avoir de la présence, être centré. Pourquoi je parle de ces affaires-là? Je parle depuis des années. Puis des fois, ça peut être surprenant. Ça se peut qu'on soit surpris de voir qui passe les tests, si on peut dire. Puis quand je vous dis que c'est des eugénistes qui nous mènent, vous savez, les gens puissants, ils vont être moins respectueux de leur personnel puis de ceux qui leur obéissent à la lettre que de leurs concurrents qui osent leur tenir tête puis leur faire face. C'est pour ça que je suis moins inquiet pour moi que pour bien du monde qui suivent la doxa puis qui obéissent à la lettre. Parce que au niveau des eugénistes puis des gens vraiment élitistes, au niveau de leur mentalité, je sais que jusqu'à un certain point, il y en a là-dedans que s'ils jettent un œil sur moi, dans le fond, ils ne m'haïront pas. Tandis que leurs employés soumis qui leur obéissent à la lettre, une fois que leur job va être fait, eux autres vont s'en débarrasser comme de la merde. Comme des poubelles. Ils n'ont pas de respect pour. C'est difficile à un moment donné d'avoir ce type d'empathie-là, c'est-à-dire d'être capable de voir comment les autres y voient. Comment ceux, l'autre bord des rideaux, ils voient. Le test, il est pour trier, là. Entre autres. Puis le pire, c'est que si je me regarde comme par exemple en 2010-2011, je n'ai pas du tout le discours que je tiens là. J'étais un eugéniste, puis j'étais pour une synarchie cybernétique, une dictature technocratique. c'est à force de des chocs, puis de voir des choses, puis aussi de m'humaniser, que j'ai fini par être totalement contre ce que j'étais pour. J'ai même eu des gens qui sont venus me voir, puis qui, bon, j'aurais pu, si j'avais voulu, avoir une vie plus confortable que j'ai là, mais finalement, j'aurais fini au niveau d'une conscience, on finit qu'on n'a pas le choix d'être malheureux si on est conscient que ça n'a pas de bon sens, puis que c'est pas réel. Donc finalement, à un moment donné, j'ai viré ma veste de bord parce que j'avais plus le choix. L'évolution, là, c'est pas, vient pas du choix de l'ego ou en prenant des substances ou en faisant des techniques de nouvellagerie stupide. C'est tout le temps quand vous n'avez pas le choix. C'est pas l'ego qui décide. C'est pas c'est en ce sens-là que le libre arbitre est une illusion. À chaque fois que l'être humain il est involutif, c'est-à-dire à chaque fois qu'il va avoir un petit soupçon de réelle évolution, ça va tout le temps être parce qu'il n'a pas le choix, puis parce qu'il est forcé. Parce qu'il n'a pas le choix, parce qu'il est forcé. Donc, c'est pour ça que je vous dis, ça a ses limites. Ça, c'est limite, le libre arbitre. Puis, dans le fond, ce qui n'est pas encore intégré est extérieur. C'est ça de l'inconnu. C'est ça de l'invisible. Puis, vous ne pouvez pas savoir d'avance ce que vous allez avoir intégré. C'est impossible. C'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est pour ça qu'on dit ça vient d'en haut. En tout cas, dans le fond, c'est des affaires, c'est pas compliqué. C'est pas compliqué, c'est pas des choses que ça prend une intelligence technique extraordinaire puis tout. L'affaire, c'est que c'est subtil. C'est subtil. Puis l'autre, là qu'il est ému puis tout, non, moi, ça m'émeut pas. Oui, j'en ai de l'empathie, je suis quelqu'un d'empathique, je vois de l'empathie, oui, pour... les gens qui sont traités réellement comme de la merde par un système de santé qui est fait, dans le fond, pour... Oui, là, j'ai de l'empathie. Des enfants qui sont pris dans un système d'éducation qui est là pour les former, pas pour les éduquer. Qui est là pour les formater, pas pour les instruire. Oui, puis que même si ça marche pas, puis qu'ils ont des réactions normales avec un système qui est contre nature, dans le fond, là, on va prendre des drogues pour les forcer à s'adapter à cette machinerie ridicule-là. Oui, pour eux autres, j'ai de l'empathie puis tout. Mais pour des hosties de manger de marde qui que leur choc de pension se passe, puis qui font le reste de leur pain... sur le dos de la naïveté du monde, pour ensuite, après, quand ça va dans leur sens, oh, ça m'émeut, puis blabla. Non, ça m'émeut pas deux secondes. Puis j'en ai aucune pitié. Aucune pitié. À un moment donné, pendant un certain temps, je me disais, ben là, il faudrait que je sois plus fin un peu, tu sais, je suis pas correct. Puis finalement, j'ai réalisé dernièrement que je me faisais avoir en pensant ça. Non. Moi, mon mot d'ordre, tant qu'il y a certaines forces et certaines choses que je vois se manifester, c'est pas de quartier. Pas de quartier. Quand ça va être le thème, vous êtes mieux de vous... qu'il n'y ait pas rien qui vienne me se mettre dans mes jambes. Parce que ça va varger par là. Il va en avoir des coups de sabot. Puis là, c'est une expression là, qui fait encrocher là-dessus, mais... À un moment donné, à force de marcher sur de la roche, là, on finit que, bon, on devient les pieds plus durs un peu. Mais il reste que, est-ce que j'ai de l'empathie puis de la pitié pour ce monde-là qu'ils ont fini par, entre guillemets, avoir la prétention d'éduquer la population puis finalement, après d'être, entre guillemets, des lanceurs d'alerte puis que finalement... Quand on regarde ça, on se rend compte que Christ est une game, puis ça n'a pas rapport, puis c'est lié à un intérêt d'ordre pécuniaire, souvent, puis tout, puis que dans le fond, c'est bon. Ce que je. Là, qui sont là, là à nous faire, là, à nous jouer là, le jeu, là, les gros, les grands, à s'émouvoir, là, quand je suis ému, puis là, comme l'autre, là, la fille, là. Là. Enfin, la vérité sort après avoir été diffamée par les médias. Je vais être franc avec vous autres, là. Dès qu'un lancé d'alerte, là, ou un quelqu'un, là, qui est rendu dans le journal, là, c'est parce qu'il n'est pas dangereux. Il n'est pas vu comme dangereux. Parce que sinon, il n'y aurait aucun spotlight d'aucune façon. Ils vont garder la personne dans l'ombre puis pas en parler. Puis pas en parler, faire comme ça, elle n'existait pas. Puis là, ça, c'est le fun parce que dans ce temps-là, on a la paix. On a la paix, puis on peut continuer ce qu'on fait comme si de rien n'était. Puis comme je vous dis, dépendamment de la façon dont vous agissez, mais surtout de ce que vous voyez, mais surtout de la façon dont vous agissez, parce qu'il faut être dosé, là. Ben, ça se peut que même ceux qui mènent derrière les rideaux, ça se peut qu'ils vont avoir même du respect pour vous, puis vous laisser tranquille. Puis c'est un respect, comment je pourrais dire ça? C'est un peu un respect comme on voit dans des meutes de chiens, dans le sens que, bon. Il y a quelque chose de psychologique là-dedans. Même un petit chat peut faire fuir un ours. C'est vibratoire. Mais je le sais qu'il y en a que, dans le fond, même si je pourrais être d'une dureté, d'une méchanceté, je pourrais être insultant, ils vont me laisser tranquille. Mais oui, parce qu'ils vont me respecter bien plus moi. Qui est un effronté, qui est arrogant, qui est acrimonieux, qui est de plus en plus acrimonieux, puis je l'avais dit, plus le temps va avancer, plus je vais être acrimonieux, plus je vais être rough, plus ça va être rough. Ben, ils vont me respecter bien plus moi que leur sous-fifre soumis qui obéissent au doigt et à l'œil. Pour eux autres, ils n'en ont aucun respect. Puis une fois que la job va être faite, ils vont s'en débarrasser comme un déchet. On est plus patient avec nos concurrents qu'avec nos domestiques, souvent, dans certaines strates. Hein? Donc, c'est ce que j'avais à dire. Puis, bon, moi, je trouve que c'est clair. C'est assez clair, à un moment donné, là. Non, je ne vais pas devenir. Oh non, je ne vais pas. Je ne suis pas pour m'édulcorer, là. Je fais attention. Pourtant, je fais attention. Mais il y a bien des affaires que j'ai dit, c'est surprenant qu'ils ne m'aient pas fermé. D'un autre côté, c'est pas surprenant. Parce que ils ont des psychologues qui travaillent pour eux autres. Pas fou. Ils voient bien le profil. C'est-à-dire que. Le meilleur moyen que je me tienne tranquille, c'est justement de faire comme si de rien n'était. Parce que je suis. Ouais, je suis le genre que plus qu'on me punit, plus je vais être désobéissant. Puis là, des fois, bon, dépendamment le type de personnalité, dépendamment de ce qu'on pourrait appeler, entre guillemets, ses talents, ses aptitudes, ses compétences, bon, ça dépend. Puis ça joue stratégique. C'est stratégique, puis dans le fond, je peux pas dire que c'est pas intelligent leur affaire de la façon dont c'est fait, même si je suis pas d'accord. Même si je suis pas d'accord avec les buts. Mais bon. Même dans ceux que je trouve allumés, il y a de la naïveté. Énormément de naïveté. D'une certaine façon. Oui, ce qui s'en vient, c'est sombre, mais peut-être moins un petit peu que ce que certains pensent. Puis bon, il y a un jeu de progression, il y a un jeu de sélection là-dedans. Comme je vous dis, ceux qui mènent pour vrai, c'est des eugénistes. Donc, bon, ils ont mis en place quelque chose pour que il y ait une sélection qui se fasse d'une façon autorégulée. Ils ont une vision très. Comment je pourrais dire ça? C'est lié beaucoup à une vision. Lié à ce que j'appellerais la cybernétique. Vous savez comment c'est apparu, la cybernétique, c'était pour savoir d'avance l'angle des ogives dans l'époque de la guerre, puis par après, bon, c'est des l'eugénisme, c'est au fond, c'est une forme de cybernétique du vivant. C'est une vision qui est pas loin de. Puis même, celui qu'on a considéré comme le père de la cybernétique, au niveau de l'éthique, il avait sonné l'alerte. Les mêmes alertes que je fais le plus que je peux un peu sur certains aspects. Puis bon, mais il reste que finalement, on verra ce qui arrive. Mais il n'est pas question que je prenne en pitié ou que je sois gentil avec du monde qui se montre agent, que je considère que c'est dangereux, puis ça pourrait nuire. Puis quand même que on n'a pas à rendre les gens plus naïfs qu'ils sont, là. À un moment donné, là, c'est vraiment de mauvaise foi quelque part, puis il y en a sont vraiment téléguidés, là, sont vraiment programmés. Ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. Puis bon, jusqu'à un certain point, ils sont prévisibles. C'est tout prévisible. C'est sûr que c'est comme. C'est plate, là. Jouer aux échecs. C'est comme jouer aux échecs avec des enfants de 5-6 ans, là. Déjà là, souvent, ils comprennent pas. Puis bon, c'est plate à un moment donné. Il faut que ce soit le fun. Il faut avoir du fun un peu dans ce qu'on fait. Là, je regardais. Il y en a un dernièrement, il nous défendait une dame. On disait, il y en a, il voit des francs-maçons partout. Ben oui, mais elle a fait des émissions carrément avec un franc-maçon qui se dit comme tel. Voyons, là, c'est normal qu'elle se fasse diaboliser. C'est son problème à elle, je veux dire, c'est elle qui manque de discernement. Là, après ça, l'autre, il la défend. Elle se fait diaboliser. Ben oui, mais Chris. Sais, je veux dire, elle a la naïveté aussi, là. Je veux dire, toi, tu vas te faire diaboliser, là. Hein? Mais là, ça dépend tout le temps des intérêts de chacun. Oui, je cours pas après les abonnés, là. Je demande pas de dons. Je peux me permettre. Je peux me permettre de me faire diaboliser, que ce soit vrai ou pas. Je peux me le permettre. Je m'en fous. Mais là, vous autres, vous êtes en train de. C'est comme M. Pitt qui dit carrément que le but de Lux Media, c'est d'un jour remplacer Québécois. Hey, c'est. Oh, ouais. C'est supposé être une alternative. Une alternative, c'est à côté de. Puis c'est supposé être une voie de. Le but, c'est pas supposé être. Il y a des travers, des fois. De personnalités qui se font jour, puis que ça devient inquiétant pour le futur, parce qu'il y en a, on se dit, ils pourraient retourner leur veste. Une veste, c'est supposé se retourner une fois. Juste une fois. Mais il y en a qui sont un petit peu trop versatiles. Un petit peu trop versatiles, puis ça devient inquiétant, puis finalement, quelqu'un de lucide, il ne peut pas avoir confiance. C'est pour ça que je viens, j'ai confiance en personne. Absolument personne. Puis à un moment donné, ben, je deviens aussi opiniâtre qu'elle l'était mon père, par exemple. Je me rends compte que oui, j'ai certains traits de caractère. Parce que j'ai pas confiance, je peux pas avoir confiance. Ça dépend. La moindre petite détail, la moindre petite affaire, puis non. Je vais rester sur mes gardes. Mais là, il y a une différence entre être sur ses gardes puis être trop dans la retenue. Il y a des affaires que. Il y a des raisons de la colère, puis non, je m'édulcore repos. Puis non, non, non. Ça va faire, là. Je vais pas commencer à faire des courbettes à des putains de rue, OK? On commencera pas à faire la révérence à des putains dans la rue. Ça n'aurait pas de bon sens. Fait que l'autre, là, que dans le fond, là, qui est allé nous faire, là, même si c'est insidieux, puis même si c'est par en dessous, puis même si c'est pas clair, clair, là, que tant qu'à moi, il fait la promotion des psychédéliques, puis ça, on a tout le temps vu ça dans le domaine de l'ésotérisme, puis de le développement personnel, puis c'est tout le temps là, comme El Cave en Californie, là, qui faisait des tentes de sudation, puis finalement, qu'il y a trois personnes qui sont mortes à cause de lui. Puis même s'il est allé en prison, après, en sortant, il écrit un livre pour dire, ah, ben finalement, ça a été une bonne chose, ça m'a permis de grandir. Hey, est-ce que tu dépais? Il y a eu trois morts. Il y a trois morts. C'est du monde, ils n'assument même pas. Ils assument, mais ils sont pas dans la réalité. Ils sont dans une affaire, c'est du relativisme moral. Moi, je le vois comme ça. Donc, l'autre, dans le fond, qui nous a fait la promotion des psychédéliques, avant, dans le fond, il a fait la promotion d'autres affaires, puis finalement, de l'aide à mourir, jusqu'à une dame. Une dame qui est allée dire qu'elle allait fusionner dans la mort. Puis après, ça se réclame de Bernard de Montréal. Bernard de Montréal, il l'a tout le temps dit, c'est dans le plan matériel que ça se passe. C'est dans le plan matériel que ça se passe. Vous pouvez pas fusionner ou avoir une évolution de conscience dans le plan de la mort. C'est de votre vivant que ça se passe. Ça revient un petit peu à ça, gagner votre ciel. C'est de votre vivant. de votre vivant que vous allez faire ce qui est pour après. Hein? C'est là que ça se passe maintenant. Arrêtez d'espérer. À un moment donné, l'espoir, là, puis le désespoir, ben ça l'est là, la polarité qui est bon. Donc, bon, ben ça fait quasiment 1 heure. Bonne journée.